desserrer vers une seconde au clair de la lune. Juste une nuit comme les autres, bercer au son de Rimonor. Écoute encore les échos de la ville pendant que les minotaures. Minuit passé, je suis dépassé, les keufs font leur tournée, les minodores. Mais je reste hypnotisé à m'abrutir devant tes chaînes télé. Quand je sens la mer, tu m'as déçu de savoir que la haine est inodore. J'suis devenu un sommaire qu'à force d'attendre que le sommeil vienne m'aider. 10 heures plus tard en a, mais je me noie dans un monde d'art. Mais à ta Théo, je dors à croire que mon 18 attaque. Mais ici, les putes s'en passent, tout comme des keufs en plante dans un camtar. Nager entre les blattes et les thermites, ça me fout qu'un froid. J'sais pas quoi faire sans somnifère, les yeux mes verres en demi-sphère. Mais faut s'y faire quand on s'y fère de cet hémisphère. Moi, je vois le vice faire, tout le monde s'y faire après s'y faire. On se fait la guerre, j'apprécie guère de voir que mes potes ne peuvent trouver le sommeil que sur des civières. Si je verse le vice dans mes vers, c'est que ma ville inverse ce que je vise dans mes veines. J'essaye mes crises de voir que tout se brise au fond du plaisir. Vite la haine car elle est vite acquise sous l'emprise de la cesse pendant que les minotaures. La nuit, j'ai plus au jour le jour, car dans cette rue c'était un mon esprit. Ceux qui ouvrent trop leur bouche au fil du temps deviennent très sages en secrète. Ceux qui squattent la télé aux heures tardives deviennent très chastes, très pêches. Tu vois l'époque, vas-y, parle pas d'avenir. D'abord tu fais le mur et à la fin tu finis par les murs. Je sais que les cours ça te saoule, alors je donne pas de leçons, juste des conseils. Car je pense à toi quand je vois mes cahiers de cours cachés sous une couche de poussière. Pas de bruit, la folie humaine éclaire la une. Desserré vers une seconde au clair de la lune. Juste une nuit comme les autres, bercé au son de Rimonor. Écoute encore les échos de la ville pendant que les minotaures. Pendant que les minotaures, docteur, fraude, c'est pas un conte de fées. Le but remplir les comptes en banque, c'est tout ce qu'on fait, mais tout qu'on fait. Spute le crâne, dis-moi pourquoi on perd, la malchance gagne. Les petits s'endorment vite avec dans le haut la marchande sale. Rêve de confession, sombre conviction maussade. Donc le trêve des discussions, esquive les conventions sociales. Tout ça, ça prouve que tout ce gueule, on fout le spell. Pas d'antiride pour les coups de feu, y'a que les coups de feu. On s'en sortira, voilà ce que les négos pensaient. Mais le sort conspira contre nous quand les minots pioncés. Rêve plombé, les mouflés veulent être pompiers. Pas de plan B, déçu, je me suis fait gonfler quand ils ronflaient. Stop, on veut choper les vestons, des buts d'Atis en piston. Perdre ma thune au casino, non merci, ça me fout les jetons. Les mecs tombent tous dehors, sont tous du père. Des inconnus te tendent la main, ne la serre pas, ils veulent juste une pièce. Les minots dorment, ah, pas de parodie, la peur obite nos paroxysmes. Mais rien à faire, je suis parochille, donc on m'emmerde pas. J'ai toujours pris la vie comme une merdeuse. Et les critards en soir le fil comme une berceuse. Pas de bruit, la folie humaine éclaire la une. Desserré vers une seconde au clair de la lune. Juste une nuit comme les autres, bercer au son de Rimonor. Écoute encore les échos de la ville pendant que les minotaures.